Premier acte. La scène se déroule dans le théâtre de Bourgogne en 1640. Un public nombreux et très mélangé va assister à la représentation de La Chlorise, une pastorale de Balthazar Barrault. Il y a là des bourgeois, des soldats, des voleurs, des petits marquis, et aussi un père qui veut faire découvrir le théâtre à son jeune fils. On y découvre aussi Roxane, une jeune femme précieuse. Christian de Neuvillette, un jeune noble provincial secrètement amoureux d'elle, et le comte de Guiche, qui, lui, a décidé de marier la même Roxane au vicomte de Valvert, l'un de ses amis. Le rideau se lève et la pièce commence. C'est alors qu'intervient Cyrano, le cousin de Roxane, au moment où Montfleury, l'un des acteurs, déclame sa première tirade. Il interrompt la représentation et chasse l'acteur. Valvert intervient.